Le Hong Kong, Cha Sang-bo, vice-président de l'Association générale des Coréens en Chine, a publié une communication contre les exercices militaires américano-sud-coréens qui résolvent et aigle, de nature agressive et de grande envergure. Par ailleurs, la filiale de la ville de Shenyang de la Société du district de Liaoning de l'Association générale des Coréens en Chine a organisé le 8 un meeting pour condamner les exercices militaires de guerre nucléaire des bellicistes américains et sud-coréens contre le Nord.